J'ai oublié de vous raconter. Oui. J'ai oublié de vous raconter ma nuit de mardi à mercredi. Eh ben, je peux vous dire, c'était pas de la tarte aux couilles. Début de soirée, normal. Je dézingue une demi-douzaine de touffes, je bois une demi-douzaine de litres de schnapps, et puis une fois bourré, je rôde dans le quartier, histoire de tuer le temps, en fumant une demi-douzaine de paquets de clopes, tout en mettant des coups de pied aux vieux qui traînaient par là, bref. Et je remonte chez moi, je mets les grognasses à la porte, et je me couche. D'un seul coup, je sens que quelqu'un sort de mon lit et part aux toilettes. J'avais dû oublier une victime. Bon, pas grave, me dis-je. En plus, ça peut toujours servir en cas d'envie pressante. Et puis, sans que je m'y attende, j'entends venir du fond des chiottes un cri terrifiant. Oh, je me dis, zut, j'ai encore oublié la concierge dans les Wawa. Ah. Par la suite, dans la pénombre, je sens ma conquête revenir se coucher. Moi, comme toutes ces émotions m'avaient énervé, je commence mon approche de fennec finlandais. Je passe la main sur le corps voisin. Ah, j'avais dû oublier de raser la musaraigne. On aurait dit une portugaise pendant la grève des tondeuses. Et là, au moment où j'allais saisir mon rasoir, que les couilles du Kaiser me servent de boucle d'oreille, la concierge est sortie, elle est dans mon lit. Je me précipite pour allumer la lumière. Ah, doux Jésus, j'avais oublié. C'était la pleine lune. J'avais dans mon lit une radasse garou. Salut. Ah, coucou. On remet ça. Quoi donc? Une petite saillie. Oh, c'est-à-dire que, comment dire, en fait, c'est pas que j'aime pas les poils, mais là, c'est un peu trop, hein. On dirait le corps de Guy Marchand avec la tête de Régine. Non, je vais pas pouvoir. Oh, puis elle s'est énervée, la radasse garou. Ok. D'accord. Bon, mais juste une fois et tu retournes dans la forêt, ok? Ok. Quelle erreur, mes amis, quelle erreur! Un petit coup, ça dure des plombes chez les garous! En plus, quand ils aiment, ils griffent les salauds. Je vous raconte même pas l'état de mes fesses. On dirait un tartare géant. Bon, je vous laisse. Je vais demander à Zouzou d'enfermer son chat. Il doit se douter de quelque chose, le félin. Depuis mon aventure garouesque, quand il me voit passer dans le couloir, il se caresse. Ça devient gênant. J'ai l'impression d'être sous la douche avec Yves Montand. Allez, au revoir.